Je veux que tout change. Ce soir, l'atelier fiction parcourt quatre lieux. La Chine, le Sénégal, la France et la Roumanie, où est née la jeune auteure et metteur en scène Alexandra Badea. Elle décrit les ravages du système de la mondialisation. À partir de quatre individus, de quatre vies, une ouvrière, un superviseur, un responsable, une ingénieure, on observe les corps pris dans des forces contraires, malmenés. Des hommes et des femmes, pour qui marcher à contre-courant serait peut-être pire encore que de suivre le mouvement. Pulvérisé, réalisé par Alexandra Badea et Alexandre Planck, a été enregistré dans le cadre des chantiers nomades. Pulvérisé, d'Alexandra Badea. Responsable assurance qualité sous-traitance, Lyon. Tu ouvres les yeux. Tu ouvres les yeux. Melbourne, Kinshasa, Bucarest, Rabat. Tu ouvres les yeux. Delhi, Kiev, Mexico, Tokyo, Dakar. Tu ouvres les yeux. Sao Paulo, Santiago, Hong Kong. Tu ouvres les yeux. Kinshasa, paupières lourdes, Tokyo. Ton corps glisse sur le drap. Bucarest, agression de l'environnement. Rabat, l'odeur du lit ne t'appartient pas. Melbourne. Rien ne t'appartient ici, Dakar. Même pas les allumettes, Tokyo. Les pantoufles jetables, ou la cire à chaussures. Kiev. Tu es pulvérisé dans l'espace. Tu es hors du temps. Tu ouvres les yeux. Tu es hors du temps. Tu ouvres les yeux. Tu es hors du temps. Pendant quelques secondes, tu es incapable de te situer sur ta carte géographique intérieure. Ton regard flou balaye la chambre 9715, le même intérieur 5 étoiles. Design formaté, identique, aseptique et serein. Tu es hors du temps. Un seul détail te sauve, l'étiquette de ton bagage. S-H-A, comme Shanghai. Tu es hors du temps. Kinshasa, paumé encore dans un décalage horaire improbable. Bucarest, tu allumes la télé. Il est 2h37 chez toi, là où tu te trouves en ce moment de ta vie. Entre deux avions à la destination incertaine. Avant un rendez-vous calé 3 mois à l'avance dans l'agenda de ton iPad, qui a comme fond d'écran une famille heureuse en bord de mer. Tu ne sais même plus quel bord de mer. La mer est la même partout. Tu es pulvérisé dans l'espace. Et ça revient. Delhi. Feuille de route. Melbourne. Paris. Départ dimanche à 16h20. Kinshasa. Pour une arrivée à Dakar à 19h55. Tokyo. Lundi 7h16h. Suivi des non-conformités et départ à 17h45 pour une escale à Dubaï à 7h20 Melbourg et une arrivée à Shanghai mardi à 23h25 mercredi 9h19 Tokyo. Analyse des risques départ à 22h45 escale à Istanbul à Kiev à 5h45 une arrivée à Bucarest jeudi à Dakar à 9h45 pour une étude technique de 11h à 18h Rabat et un départ à 20h05 Bucarest à 22h15 Kinshasa. Tu ouvres les yeux. Tu ouvres les yeux. Bucarest. Tu ouvres Rabat. Tu ouvres les yeux. Melbourne. Tu ouvres les yeux. Dakar. Tu ouvres les yeux. Tokyo. Tu ouvres les yeux. Delhi. Tu ouvres les yeux. Kiev. Santiago. Hong Kong. Rabat. Dakar. Superviseur de plateau, team leader, Dakar. Tu enjambes le corps endormi sur la partie opposée de ton lit. Tu traverses la chambre voisine. D'autres corps dorment. Tu sors dans la cour, tu ouvres le robinet et tu plonges ta tête sous l'eau. 1 minute. Tu restes comme ça. Tête sous l'eau. Ton cerveau respire enfin, après une nuit peuplée de cauchemars à base de sonneries de téléphone et d'écrans clignotants. Tu restes sous l'eau, et tu resterais encore des heures. Mais le temps file, et tu es obligé de le rattraper. Tu mets un short, et un t-shirt. Tu bouffes le riz cramé du soir, tu poses le casque sur tes oreilles, et tu cours. Le riz monte dans ton ventre, et toi tu cours. quatrième plage de la prêche enregistrée sur CD et vendue à ton église 5000 francs CFA la pièce avec la photocopie noir et blanc de l'apôtre en couverture, le rapide Société musulmane passe. Tu t'installes sur l'escalier extérieur du bus et pendant l'heure du trajet, tu écoutes. Dieu peut te remplir spirituellement. Dieu peut te remplir émotionnellement. Dieu peut te remplir avec l'intelligence. Dieu peut te remplir avec une stratégie ce matin. La stratégie qui te manque pour peut-être ouvrir une porte dans ta vie. Opérateur de fabrication, Shanghai. Tu entends ton nom. Il vient de loin. Tu entends ton nom, comme s'il venait de ton village, à 3700 km de là. Comme s'il était dit par ta grand-mère, à 35 heures de train d'ici. Comme s'il était porté par le souffle des morts qui engraissent la terre de tes parents. Tu entends ton nom. Et tu sens ta chair secouée par des pattes d'insectes. Tu entends ton nom. Tu ouvres les yeux. 5 corps de femmes s'agitent autour du lit. Daxia. Daxia. Daxia. Daxia. Daxia. Daxia. Daxia, t'es en retard. Lève-toi. Lave-toi, là. Allez, vite. Sinon, 5 yuan. Daxia. 10. Allez. 5 la minute. C'est 10 minutes, on te pique la matinée. Et on te coupe la demi-journée. Allez. Allez, vas-y. Debout. Allez. En retard. Vas-y. Mais tu dormiras après. Après. Après. Quand. Quand. Après quoi. Après quoi. Tu ouvres les yeux. Tu plonges ta tête dans un seau d'eau. 3 mouvements de brosse à dents. Tu enfiles ton uniforme jaune fluo made in China et tu sors du dortoir. Pas le temps de regarder ton visage, abîmé par un eczéma qui ne passe pas. Tu t'inscris dans la marche commune. Tu coupes l'espace avec tes bras ballants. Et tu respires. Vous longez les 300 mètres des 17 km de tapis roulant, les grilles gardées 24 heures sur 24 par des vigiles en militaire. La fontaine de l'amour, la statue de Bouddha, la cantine cadenassée, un panneau en couleurs vives vous sourit. Et vous y êtes. Nous vous souhaitons, une bonne journée. Bonne journée. Ingénieur d'études et développement, Bucarest. Tu mets le biberon au micro-ondes. Tu lances la machine à café. Tu réveilles la petite. Elle se met à pleurer. Le grand ne veut pas bouger de son lit. Alors, tu lui appliques la fessée. Tu entres dans la douche après avoir introduit le biberon dans la bouche du bébé. Et la journée commence. La journée commence toujours sous la douche. C'est ton seul espace privé. Tu fermes les yeux et tu rêves d'une île. Seul sur une île, sirotant un cocktail Lady Blue. Sans ordinateur, sans connexion, sans nom. Tu vides le gel douche sur ta peau et tu te caresses. Ton seul moment de tendresse de la journée. Après, tu sors et tu t'habilles. Rouge et noir aujourd'hui. Le rouge dynamise et aujourd'hui tu as besoin de dynamique. Tu attends cette étude technique avec le partenaire français depuis 3 mois. Tu as tout bien préparé et pourtant là tu as peur. Et surtout, tu as peur de propager tes peurs. Le slogan de l'unité de recherche siffle dans ta tête. Tendre vers l'excellence. Tendre vers l'excellence. Tendre vers l'excellence. Tu appliques 3 couches de fond de teint en insistant bien sur les cernes. Et tu le répètes à voix basse. Tendre vers l'excellence. Je tends vers l'excellence. Je vais tendre vers l'excellence. 3 gorgées de café. Un bisou sur le front de la petite. Et tu chopes le grand par le bras et le tires vers la voiture. Ensuite, tu mets la radio sur RFI et tu répètes chaque phrase du journaliste pour améliorer, entraîner, pratiquer, blinder, armer ton accent français. Responsable assurance qualité sous-traitance, Lyon. Tu zappes, et tu t'en fous. La politique ne t'intéresse plus. Tu adores pourtant regarder les têtes des journalistes, leurs lèvres qui bougent vite, leurs seins serrés dans des tailleurs foncés, leurs yeux larmoyants quand elles annoncent une nouvelle catastrophe, et leurs sourires, surtout leurs sourires, même quand ils sont faux. Ça t'apaise, ça te donne de la force, ça te donne de la confiance. Tu peux continuer à aimer l'être humain car il est solidaire et tendre. Ils se font dans la souffrance universelle, même si elle se produit loin, très loin de lui, dans des lieux où il culpabilise à déverser sa poubelle et à remplir les soutes de ses avions au rabais. Il est tendre, l'être humain. Et sa tendresse, tu la lis sur les lèvres des journalistes. Et sa tendresse, tu la sens sous ta peau. Et sa tendresse remonte dans ta gorge. Et sa tendresse, tu l'apaises avec un whisky. Et pour déverser sa tendresse, tu allumes l'ordinateur. Tu appelles ta femme. Elle active sa webcam. Et tu la vois assise sur le canapé en cuir rouge, à côté de ton fils de 5 ans. Ça va ? Ça va. Tout va bien ? Tout va bien. Il est quelle heure là-bas ? 21h21. Il dort pas ? Pas encore. Tu reçois un message. Tu continues à parler à ta femme en lisant. Ange de la nuit 05 t'invite à regarder sa webcam. Tu acceptes et tu continues à parler à ta femme. Ange de la nuit 05 te sourit. Ange de la nuit 05 te demande de l'inviter à regarder ta caméra. Tu l'invites à regarder ta caméra et tu continues à parler à ta femme. Et sinon, ça va ? Ça va. Le loup va bien ? Très bien. En forme ? En forme. Mon loup, tu vas bien ? Papa te manque un peu ? Mon loup, papa t'aime ? Ange de la nuit 05 enlève son t-shirt. Ton fils ne répond pas. Ange de la nuit 05 approche ses seins de la webcam. Ton fils ne répond pas. Tu regardes les seins d'Ange de la nuit 05. Et tu continues à parler à ton fils. Qu'est-ce que tu veux que papa t'amène ? Un Playmobil ? Réponds à papa. Un Pokémon ? Alors un Scooby-Doo ? Réfléchis et tu me diras demain. Tu raccroches. Tu enlèves ton slip. Ange de la nuit 05 descend sa caméra. Tu es heureux. Tu es très heureux. Opérateur de fabrication, Shanghai. Tu franchis la bande sensitive jaune tracée sur le sol. Désormais, tu ne pourras plus quitter le périmètre qu'elle entoure. Sinon, alerte. Et si alerte, amende. Et si amende multiple, tu risques d'être viré. Alors tu restes à ta place, sur une surface d'un mètre carré dans un espace illimité. Et tu regardes la caméra de surveillance, le temps d'écouter les instructions de sécurité et les slogans de l'entreprise. Si tu ne t'appliques pas au travail aujourd'hui, demain tu t'appliqueras à trouver du travail. Après les 10 minutes de gymnastique obligatoire, la bande se met en route. Tu mets ton masque et tu commences à répéter le même geste toutes les 8 secondes. 1, 2, tu plonges le pinceau dans la substance. 3, 4, tu le laisses s'imprégner. 5, 6, une première couche sur la partie supérieure du circuit imprimé. 7, 8, une première couche sur la partie inférieure du circuit imprimé. 9, 10, tu plonges le pinceau dans la substance à nouveau. 2 secondes de repos. Le temps de respirer. De regarder tes doigts craquelés. De fermer les yeux. D'avaler ta salive. D'écarter la pensée. Interdit de parler. Interdit de rire. Interdit de bouger. Interdit de regarder hors de ton périmètre. Au-dessus de toi, sur une passerelle de 300 mètres, les agents de maîtrise surveillent. Tu les annules dans ton imaginaire. Tu chantes dans ta tête. Tu cours dans ta tête. Tu danses dans ta tête. Tu aimes dans ta tête. Tu glisses dans ta tête. Tu nages dans ta tête. Ingénieur d'études et développement, Bucarest. Dans ton open space, ça sent les produits cirons. L'odeur t'angoisse. Alors, tu appuies 3 fois sur Aroma Easy Parfum des Bois. Et tu t'installes dans ton fauteuil ergonomique. Tu poses le casque sur tes oreilles. Mozart se met à jouer. Et la journée commence. Tu ouvres une session PowerPoint, tu ouvres une session Excel, tu ouvres une session Dreamweaver, Team System, WorkExpress, Visio, Outlook, Access. Et après, tu ouvres une session Webcam First. Vidéo surveillance pro à distance avec des logiciels analogues. Et tu vois 6 fenêtres. La cuisine, la salle de bain, le salon, la chambre, la salle à manger, le hall d'entrée. Tu vois ta fille, et sa babysitter. Et tu vas les voir toute la journée. On ne peut pas faire confiance aux étrangers. Ta fille doit être bien surveillée. Ta fille doit être bien protégée. Ta fille doit être bien éduquée. Tu commences la création d'une grille évolutive. Tu réponds à mail. Tu remplis un tableau. Tu modifies un graphique. Tu lances un diagnostic. Et tu te sens tendre vers l'excellence. La collègue d'en face te fait signe. Tu enlèves Mozart et tu te plonges dans le concerto en do majeur des claviers. T'es plugué ? Ouais. Mail ton diagnostic. Pas fini. Tu rigoles ? Pas fini, je te dis. Si tu me mails, je te forward les statistiques évolutives. Pas besoin. Je peux le pomper, tu sais. La pompe ? Je vais adéiser. Vas-y, crache. Ah, attends, ça scroll. Et pendant que cette conne te fait perdre du temps, l'autre conne laisse ta fille traîner par terre. Alors tu dis à voix haute, maison, et ça sonne. Elle a mangé ? Oui. Quoi ? Purée de courgettes. Bio, les courgettes. Oui. Ok, et là ? Bah là, elle joue. Bah, tu la laisses pas traîner par terre, hein ? Non, non. Tu passes aussi l'aspirateur ? Tu te laves bien les mains après. Ah, et aujourd'hui, pas de parc. Le taux de pollution a explosé. Ah oui. Bah vas-y, bouge. Ah oui, je bouge. Elle ne bouge pas. Tu la vois ? Elle ne bouge pas. Et ta fille s'amuse par terre. Et toi, tu t'énerves terriblement. Alors tu mets sur YouTube ton clip préféré. La mer, les vagues, le crépuscule, les mouettes, les nuages roses, les cuves. Tout ça te calme. Et à nouveau, t'es prête pour l'excellence. Superviseur de plateau, team leader, Dakar. Tu changes de vêtements. Tu mets un faux costard Versace. Tu entres sur la plateforme et tu dis « Appliquez le free sitting ». Tu ne parles pas anglais. Tu ne sais pas ce que ça veut dire « free ». Tu ne sais pas ce que ça veut dire « sitting ». Mais tu sais ce que ça veut dire « free sitting ». Et tu sais que c'est un concept moderne de ressources humaines qui consiste à asseoir les employés chaque jour à une place différente pour ne pas lier amitié avec leurs voisins. L'amitié au boulot coûte à l'entreprise et on doit diminuer les fuites d'argent. Aujourd'hui, je ne veux pas de temps de communication supérieur à 1 minute et pas de pause prolongée. Tu sors de la plateforme et tu te mets à traficoter les badges du personnel. 1 employé, 2 badges. un badge réel qui te permet de surveiller leurs heures, un badge fictif qui te permet d'être clean devant les contrôles du temps de travail réglementaire. Et après ça, tu descends à la cantine et là, tu te mets à gueuler pour la première fois de la journée. J'ai dit bœuf bourguignon. Deux fois par semaine, on mange français. J'ai pas trouvé de bœuf. Alors fais du coq au vin, du gratin dauphinois, la daube provençale, du confit de canard. Et tu te mets à réciter toute la liste des plats traditionnels français car tu n'as pas appris par cœur. Petit miroir de la civilisation française pour rien. Je ne sais pas comment les faire, ces plats. Je m'en fous. Cherche. On ne mange plus sénégalais. On pense français, on mange français. Comment travailler pour les Français si on ne mange pas leur bouffe ? Nos corps vivent à Dakar, mais nos voix travaillent en France. Alors dans les heures du bureau, on mange en décalage horaire ce que nos clients mangent chez eux. C'est une technique de marketing, tu comprends ? Il ne comprend pas, mais tu ne peux pas aller plus loin. Car le temps file et tu es obligé de le rattraper. Tu entres dans le bureau du chef de plateau. Les autres team leaders sont là. Tu t'assois au fond de la pièce et tu prends des notes. Le client français est passé, ça lui a pas plu. Résultats globaux moyennement satisfaisants. Ça craint. Ah ouais, ça craint. Il faut modéliser l'activité alors. On introduit un autre système. Ça veut dire ? Ça veut dire formation à bloc. Ça veut dire remise à niveau. Oui, ça veut dire heures supplémentaires non rémunérées. Voilà. Ça veut dire ça. Ça veut dire moins de temps de travail effectif ? Ça ne veut pas dire ça. Alors on les fait quand les formations ? Après le travail. Tu dis ça, et après tu te caches dans tes notes. Le chef du plateau te sourit. Responsable assurance qualité sous-traitance, Lyon. Tu parles. Tu enchaînes des mots. Tout est bon pour ne pas se taire. Tu ne supportes pas les silences. Tu ne supportes pas le bruit de ta respiration. Tu ne supportes pas l'hésitation de l'autre. Le temps suspendu. La peur de l'échec. Il parle. Tu parles. Tu l'écoutes pas, tu parles. Il écoute pas, il parle. Vous avancez dans les couloirs. Vous entrez dans des halles immenses. Tu vois des corps. Des milliers de corps. Les mêmes corps. Des corps figés dans un mouvement répétitif, mécanique, automatique. Des corps de femmes identiques aux corps d'hommes dissimulés dans des uniformes apprêtés. Tu souris. Envahi par un profond amour pour l'humain, il ne te voit pas. Il regarde les machines. Ils ne te sentent pas. Ils répètent leurs gestes intégrés. Tu avances le sourire figé sur ta gueule et tu parles. Ils font combien d'heures par jour ? 8 heures. Pas d'heures supplémentaires ? S'ils veulent. Ils ont quel salaire ? Le salaire réglementaire. Ils sont logés et nourris. Ils sont bien nourris. 3 à 4 repas par jour. Vous voulez goûter ? Non, non. Ça a l'air bien pour eux. Tu l'as dit. Les mots t'ont échappé. Tu aimerais les avaler, mais trop tard. Ils envahissent l'espace. Très bien pour leur gueule. Tu plonges dans un état mélancolique, provoqué par un sentiment de culpabilité nauséabonde. Tu as honte. Mais tu parles. Ils parlent. Tu parles. Ils parlent. Tu parles. Il parle. Tu parles. Ingénieur d'études et développement, Bucarest. À 13h pile, tu sors avec ton ordinateur dans le parc à côté du bureau. Tu t'assois dans l'herbe. T'as besoin de l'herbe. Même si le taux de pollution déborde, tu ne peux pas t'en passer. Tu manges un sandwich végétarien préparé par ton mari et tu regardes ta fille. Tu zoomes et tu regardes les mouvements de sa poitrine. Tu appelles ton grand. Il a fini l'école. Un car doit l'emmener à l'after school et tu dois vérifier que tout va bien. C'est maman. Oui. Tu vas bien ? Oui. T'es dans le car ? Oui. Ça s'est bien passé ? Oui. Tu auras une bonne note ? Il faut tendre vers l'excellence. Oui. Je t'aime. Tu m'aimes ? Oui. Tu t'allonges dans l'herbe, tu regardes en haut. Un avion passe. Et tu imagines ses passagers. En fuite. Suspendu au ciel. Un rare moment de liberté. Tu reprends la grille évolutive. En 5 clics, c'est fait. Alors tu éteins l'ordinateur et tu vas au supermarché. Tu remplis le caddie à fond, sans regarder ce que tu entasses. Aujourd'hui, t'as pas envie de consulter la liste de ton iPad. Tu attends 15 minutes à la caisse. Tu seras encore en retard et aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Tu regardes le badge de la caissière. Un smiley. Et en dessous, écrit « Je souris pour vous ». Mais elle, en vrai, elle ne sourit pas. Et tu te demandes comment on est arrivé à remplacer les sourires par des écriteaux. Alors, pour réparer la situation, tu te forces à lui sourire, mais tu n'arrives à lâcher qu'une grimace. Opérateur de fabrication, Shanghai. Ce matin, j'ai ramassé 6 minutes. Des cigarettes, une bouteille d'eau, le temps de pisser. Moi, je peux rien ramasser. Toi, c'est différent. En assemblage, c'est moi qui lance la chaîne. Dès que la box entre dans mon espace, je me mets à l'assembler. Si je travaille vite, il me reste quelques secondes. Ça, je profite pour respirer un peu. Ça, j'intensifie l'effort et je remonte la chaîne. Après une heure ou deux, je peux ramasser 2 minutes si je suis fort. Aujourd'hui, en 5 heures, j'en ai eu 6. Tu le regardes et tu ne comprends pas ce qu'il te dit. Tu l'aimes dans ta tête. Tu captes son odeur. T'avales sa voix. T'aspires son sourire. Tu manges ton bol de riz aux légumes. Tu l'écoutes sans le comprendre. Et tu es heureuse. Car vos corps sont côte à côte, dans une mare de corps rangés sur les 700 mètres carrés de la cantine. Tu sens sa respiration sur ton cou, et tu es heureuse. Tu sais qu'entre les tours de refroidissement et les énormes bassins fumants, un homme pourrait disparaître sans laisser d'autres traces que sa carte d'identité plastifiée et sa montre. Je le sais pour les disparus. Tu sais quoi ? Qu'ils sont disparus. Où ? Ils se sont pulvérisés. Comment un corps pourrait être pulvérisé? Comme ça. J'ai vu ces hommes. Les disparus? Non, ceux qui restent. Ceux qui vont disparaître. Ils se déplacent drapés pour se protéger de la chaleur, comme des momies. On va tous disparaître. Pulvérisés? En particules. Superviseur de plateau. Team leader. Dakar. Tu entres dans la salle de réunion, un grand amphithéâtre bourré de gens qui veulent tous un poste sur ta plateforme. Tu les regardes encore. Ils ne bougent pas, ils ne respirent presque pas. Et tu leur parles. Notre entreprise est le leader mondial sur le marché des sous-traitants télécom. On sait tous quelles sont les attentes des Français. Ici, il faut atteindre des quotas. Ici, il faut croire dans le produit. Ici, il est interdit de dire non, il est interdit de raccrocher. Ici, on pense français, on mange français, on a des noms français. Ici, on travaille pour la France. Maintenant, à tour de rôle, vous allez dire 3 fois, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Et toi, tu ris. Et après, tu les invites dehors et tu fais le tri. Pas d'accent, pas de voix grave, pas de tonalité agressive. Tu affiches la liste sur la porte et tu attends le premier candidat. Recalé. Le deuxième candidat. Recalé. Le troisième candidat. Recalé. Le quatrième candidat. Recalé. Recalé. Recalé. Recalé. Recalé. Le cinquième candidat. Quel cul, quel cul. Tu te dis en la regardant fermer la porte. Et tu souris. Elle aussi, elle sourit. Comment tu t'appelles? Adiuma Diandi. Et ici, comment tu vas t'appeler? Adiuma Diandi. Non, ici, tu vas pas t'appeler Adiuma Diandi. Si, Adiuma Diandi. Non, ici, tu vas t'appeler Marie-France Martin. Adiuma Diandi. Y a pas d'Adiuma Diandi ici. Tu essaies de te calmer. Une nana avec un joli cul ne peut jamais t'énerver. Respire et attaque. Tu sais ce qu'on va faire ? On va faire un test. Tu restes ici un jour et tu utilises ton Adyuma Dyandi. Et si tu atteins les quotas, tu vas le garder. Mais moi, je te le dis, tu vas rien atteindre. Bon, qu'est-ce que t'as à faire dans ce poste ? Répondre au téléphone. Qu'est-ce que tu dis d'abord ? Service client, bonjour, je me présente à Adyuma Dyandi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et après ? J'écoute. Et après ? Je traite la fiche qui s'affiche sur l'écran. Comment tu traites la fiche ? Je la traite. Comment ? Je lis ce qu'il y a écrit. Mais comment tu lis ? Je lis ? Comment tu veux que je lise ? Tu dois laisser croire au client que tu connais parfaitement son dossier. Alors qu'en vrai, tu le découvres 40 secondes avant la mise en relation. Compris ? Oui. Et après ? Je qualifie l'appel. Comment tu qualifies l'appel ? Avec les doigts. Écoute, avec cette attitude, ça va pas marcher. Bon, t'as vu mon CV ? Bac plus 5, ça va, non ? Je sais qualifier un appel. Donne-moi ton téléphone. 3, 3... Non, 6... pas ton numéro, ton téléphone. Pourquoi ? Vends-moi ton téléphone. Quoi ? Ici, on vend, mademoiselle. C'est pas avec un joli cul qu'on vend. Je veux voir comment tu vends, alors vends-moi ton téléphone. Elle ne bouge pas. Elle te regarde droit dans les yeux. Elle est belle dans sa colère. Non. Non ? Non ! Alors je crains que cet entretien ne soit terminé. Elle sort. Tu regardes une dernière fois son joli cul. Tu ne pourras même pas la baiser. Et tu t'en fous. Tu écris en gros « recalé » à côté d'Adyuma Dyandi. Et tu bois la moitié de la bouteille d'eau d'un coup. Bucarest. Le français est dans la salle de réunion. Tu te présentes, il te serre la main, tout le monde est là. Tu ouvres ton ordinateur et tu attends ton tour. Ton cœur est en mode accéléré, pour te calmer tu bois de l'eau et tu dessines un palmier. Parfois tu regardes le français et tu essaies de déchiffrer ses pensées. Il est beau, il t'attire. T'imagines avec lui dans un lit pour désacraliser la chose. Le directeur technique t'appelle. Tu connectes ton ordinateur au projecteur et tu lances ton PowerPoint. Ton accent est impeccable. Tu sais marquer des pauses. T'as un petit problème avec le subjonctif, mais ça va passer. Tu le regardes droit dans les yeux. Tu lui plais, c'est sûr, tu lui plais. Il bouge sa tête comme s'il était d'accord avec toi. Mais au 16e slide, sa tête tombe. Tu hausses un peu la voix, il ouvre les yeux à moitié, en souriant, et tu continues, mais une phrase traîne désormais dans ta tête. Ne t'endors pas. Tu finis ta présentation et tu reprends ta place. Tu sens l'échec. Pour te calmer, tu bois de l'eau et tu dessines un autre palmier. 3 heures plus tard, t'as une forêt tropicale sur ta feuille et le français se prépare à prendre la parole. Il n'a pas dit ton nom. Il a dit le nom de la conne qui voulait te pomper des données ce matin. Une plante vulgaire de mauvais goût. Tu ouvres Webcam First et tu regardes ta fille. Elle s'en est mis partout. Une compote de bananes. Et maintenant ? Elle s'amuse à dessiner sur les murs avec ses doigts sales. Tu lui souris à travers l'écran, les yeux remplis de larmes. Thank you. Dakar. Amidi, tu ne vas pas manger son plat français sénégalisé à la con. Tu n'as pas faim. Adiouma Diandi t'a coupé l'appétit, t'as un couteau planté dans le ventre et tu ne comprends pas comment une femme avec un si joli cul peut te faire ça. Les questions se cognent contre les parois de ton crâne et tu marches rapidement vers la plage en contrepoint avec les passants. Tu t'allonges sur le sable, regard vers la mer et tu te demandes comment arrêter tout ça. Arrêter la course, arrêter le temps, arrêter l'argent, arrêter l'angoisse, arrêter tout ce qui a rendu l'être humain amer. Et là, tu te rends compte que toi-même, tu as perdu du goût. Tu passes ton temps dans des bureaux en PVC, tu dors sur la moitié d'un lit moisi à côté d'un mec qui ronfle à 100 à l'heure, tu t'accroches 3 heures par jour à la barre rouillée d'un car rapide, tu baisses 2 fois par mois à 5000 francs CFA, et surtout, tu fermes bien ta gueule. Alors tu enlèves ton faux costard Versace et tu plonges dans la mer. Tu nages loin, regard vers l'horizon. Et pendant une seconde, tu te dis que tu pourrais ne plus jamais revenir. Mais la seconde passe, et le temps file, et tu es obligé de le rattraper. Alors tu enfiles ton faux costard Versace et tu fais demi-tour. Lyon. Tu bois ton 3e whisky dans la salle d'embarquement à faire premium. Et cette fois-ci, l'alcool ne fait pas son boulot. Car tu continues à nager dans un état mélangé, mitigé, entre un début de dépression et une révolte étouffée par tes 2 crédits revolving. Ça doit être le jet lag, tu te dis, pour tenir sous contrôle ton angoisse. Tu regardes le moniteur qui affiche les départs imminents et tu rêves d'un embarquement à l'autre bout de ta destination finale. Tu rêves et tu avales. Le whisky glisse sur ta gorge avec tout le mix de frustration et de responsabilité, de peur et d'échec. Tu t'allonges dans un fauteuil massant et tu oublies ton corps. Si tu pouvais l'abandonner dans cette salle d'attente. Partir sans cette carcasse remplie d'ordres, de deadlines et de prévisions. Tu n'arrives pas à formuler clairement tes pensées. Elles te traversent sous forme sensitive, intuitive, comme la voix qui t'invite à te présenter au guichet. Tu entends ton nom sans réagir, comme s'il ne t'appartenait pas. Tu préfères rester collé à ce fauteuil. Mais tu as renoncé depuis un bout de temps à écouter tes désirs. Alors tu te mets à marcher, à avancer, à occuper ta place dans l'avion, à déballer tes effets personnels. Et au milieu de tout ça, tu te souviens. Toi, à 16 ans, tu voulais devenir reporter de guerre. T'es pas loin finalement. Tu es devenu rapporteur de guerre. Sauf que tu ne risques rien dans les guerres que tu couvres, car tout se joue dans des bureaux climatisés. Les bombes n'explosent que dans les corps de ceux qui remplissent tes statistiques. Les heures s'entassent, mais tu n'arrives pas à t'endormir. L'hôtesse te refuse ton 5e whisky. Quelle conne. Alors tu ouvres Marianne et tu lis. Ouvrière textile en Inde, le pire job du monde. Et tu vois une femme endormie sur sa machine à coudre. et une autre attachée à des perfusions. Et tu lis. KPR. KPR est une entreprise indienne qui fournit Carrefour, Pinky, Trois Suisses, Decathlon, Kiabi, Gap, CA et H&M. Et tu lis encore. KPR a mis en pratique dans ses usines le système Soumangali. Apparu il y a une dizaine d'années, ce système consiste à fournir pendant 3 ans des emplois d'ouvrières du textile à de jeunes filles, environ 14 ans, non mariées, des zones rurales les plus pauvres. Au terme des 3 ans, les filles reçoivent de 500 à 800 euros pour payer leurs dots. Et tu lis encore. Chez KPR, toutes les jeunes filles sont enfermées 24 heures sur 24 dans l'usine. Et tu lis encore. Nombreuses sont les filles qui ne tiendront pas les 3 ans et qui ne recevront donc pas leur dot et qui en plus seront tombées malades. Et tu lis encore. Ici, les jeunes filles sont heureuses. Et tu balances Marianne et tu te dis « Jamais de sous-traitant en Inde. » Et tu vas aux toilettes. Et tu te laves le visage. Et tu te brosses les dents. Car bientôt l'étude technique de Bucarest va commencer. Shanghai. Tu entres dans la salle de punching ball. Tu le vois frapper dans le mannequin gonflé en plastique. Il frappe et hurle. Tu touches son épaule. Il se retourne, tu ne reconnais pas son regard, et tu te demandes comment on peut remplir un corps avec tant de haine. Tu caresses sa joue, il te pousse et il hurle. J'ai coulé. Quoi ? J'ai coulé. C'est quoi ? Coulé ! Coulé ! Il frappe et hurle. Tu voudrais tellement le serrer dans tes bras, mais la peur te paralyse. Alors tu sors de la salle et tu marches dans la nuit. Tu prends un bonbon anti-stress et tu mâches. Tu mâches ta douleur. Tu mâches ta colère. Tu mâches ta faiblesse et tes doutes. Et après un temps, tu redémarres. Dans le dortoir, les filles font la fête. Déguisées en femmes, rouge à lèvres, aux talons, corset en paillettes. Elles se la jouent star de cinéma en improvisant un karaoké sur une radio pourrie. Tu les regardes et tu ris. Et pendant un moment, tu oublies tout, car il s'agit de ça, savoir oublier, avoir la force de le faire, passer à autre chose, comme si rien de tout ça n'existait, comme si tout n'était qu'une grosse blague. Lim, ça veut dire quoi, j'ai coulé ? Qui t'a dit ça ? Chan. J'ai coulé, c'est mauvais. C'est quand l'ouvrier est trop lent, il coule. Alors le lent défilé des boîtes ressemble à un torrent qu'il n'est plus possible d'arrêter. 30 secondes de retard seulement et la prochaine boîte s'avance avec une régularité machinale et ça s'accumule. Parfois c'est aussi cauchemardesque que de se noyer. Lyon. Ton fils mange une glace et tu le regardes. Quand il te regarde, tu manges ta glace. Tu te caches à l'intérieur de la crème chantilly. Tes lunettes de soleil ne te suffisent plus. Pas aujourd'hui. Après 48 heures de vol sur les 122 dernières heures de ta vie, tu ne sais pas quoi dire à ton fils. Tu devrais peut-être lui parler de ton voyage, du monde, de l'autre. Mais tu n'as rien à dire. Tu ne peux pas lui mentir. Tu ne peux pas lui dire vrai. Car au fait, tu aimes l'être humain malgré tout. Et c'est de ton devoir de préserver l'innocence d'un enfant. Alors tu manges tranquillement ta glace, en essayant de comprendre derrière tes lunettes de soleil ton fils de 5 ans. Mais tu ne peux pas le comprendre. Tu l'attends. Et tu l'emmènes au carrousel, et après aux montagnes russes, et après au manoir hanté, et après à la rivière enchantée, et après au grizzly, et après au karting. Et pendant que ton enfant consomme le monde d'attractions, Tu vérifies les rapports finaux sur ton iPhone, perturbés par les émoticônes balancés par Ange de la Nuit 05. Et tu entends soudainement « Cher client, chère cliente, votre parc fermera ses portes dans 5 minutes. Veuillez vous diriger vers la sortie. » Et là, tu t'aperçois que le soleil est en train de disparaître, que tu es figé devant le labyrinthe des miroirs depuis 3 heures et que ton fils n'est pas à tes côtés. Tu cours, et tu cries, et tu trembles. Et la voix dit « Cher client, chère cliente, votre parc fermera ses portes dans 5 minutes. Veuillez vous diriger vers la sortie. » Dakar. Tu rentres chez toi. Enfin, pas chez toi, chez toi. Chez ton chez-toi provisoire. Loué à 30 000 francs CFA à une famille nombreuse de classe moyenne. Tout le monde est devant la télé. Tu prends ta place et tu subis un zapping aléatoire. Super flic toujours en vadrouille, super flic toujours en action. Entre deux telenovelas, tu apprends que 80% de la population est exclue de la protection sociale, que des écoutes téléphoniques sauvages ont été organisées par une personnalité politique à Dakar, que le Sénégal porte plainte contre la police française suite au décès d'un émigré sénégalais sur les rails du métro parisien. Quand le mec du FMI annonce la création d'une cellule de gestion de la dette, on zappe sur « ma famille ». Et là, ton téléphone sonne et tu entends la voix du chef de projet. Incendie. Le mot pulse dans ta tête. Les acteurs amateurs de l'industrie télévisuelle africaine se taisent. Et tu n'entends que le mot incendie. Ton corps fond. La transpiration jaillit par tous tes pores. Il fait une chaleur d'enfer, mais tu trembles. Tu ne peux plus garder ta mâchoire à la bonne place. 8 morts. Le nombre de blessés est oublié. Tu sors. Tu ouvres le robinet et tu plonges ta tête sous l'eau. Des minutes entières, tu restes comme ça, tête sous l'eau. Jusqu'à ce que la voiture du chef de projet s'arrête à ta porte. Pas le temps d'enfiler ton faux Versace car le temps file et tu es obligé de le rattraper. Shanghai. Les filles ont tiré les rideaux qui séparent leurs espaces privés. 6 lits superposés, 3 à gauche, 3 à droite, un couloir de 50 cm, une fenêtre et une petite table. Tu t'y assois, tu allumes une lampe de poche et tu commences à calligraphier. À ceux qu'on aime, on ne doit pas épargner le dur labeur. Des mots choisis par le grand patron. Chaque semaine, l'adjoint de son adjoint t'amène une feuille gribouillée et tu lui fabriques des calligraphies. Tu fais exploser ta pensée et pendant un moment, tu oublies tout. Car il s'agit de ça, vider, abandonner, laver, trier dans ses souvenirs, garder juste les éléments d'utilité publique. En écrivant les mots des autres, tu oublies les tiens. Ce temps est à toi, même si tu le vends à bas prix. Quand la main se bloque, tu arrêtes, tu respires et tu regardes dehors. Tu observes les voisins du dortoir d'en face, les retardataires de la nuit. Cette nuit, tu vois un corps qui glisse dans l'espace vide, illuminé par le jaune et le vert de la pub pour Durex. Ta rétine enregistre toutes les positions intermédiaires de sa chute, le rejet du sol, les derniers mouvements de ses doigts, l'accroissement de la tache de sang qui se forme à côté de son crâne. Tu ne peux plus fermer les yeux. Tu restes scotché à sa mort. Et tu nages dans ta tête. Tu restes immobile à la fenêtre un temps suspendu. Des taches noires recouvrent les mots. Ta morve coule dans l'encre étalée sur la toile. Plus personne ne va rien comprendre. Le matin, elle te retrouve toujours comme ça. Lyon. Tu fixes le mur gris du commissariat en attendant le prochain jet de questions. À côté de toi, une chaise vide. À côté de la chaise vide, ta femme. Un seul regard de serial killer planté dans tes yeux quand elle t'a vu. Regard monstrueux jaillissant de la profondeur des entrailles. Regard craché et avalé, tout de suite après. Il ne reste que la haine. Ta mémoire s'efface. Il ne reste que l'image de ton fils et sa phrase du bouffet tranquille. Tu es au-delà de la peur, au-delà de l'espoir, vidé de sens, rempli de rouille. Bucarest. Tu mets les plats du soir au micro-ondes. Tu fais couler un bain pour la petite. Tu lances une machine à laver. Et tu sors. Tu marches dans la rue de la Liberté. Tu t'arrêtes à un premier distributeur. Tu retires un paquet de billets. Tu t'arrêtes à un deuxième distributeur. Tu retires un autre paquet de billets. Tu t'arrêtes à un troisième distributeur. Tu retires un autre paquet de billets. Tu t'arrêtes à un quatrième distributeur. Tu retires un autre paquet de billets. Tu prends la voiture. Et tu t'arrêtes à l'aéroport. Tes doigts tremblent. Mal à la tête. Sensation de vertige. Vide dans le ventre. Tu arrives en face du guichet Lasticat. Quel est le prochain vol ? Paris. Et après ? Londres. Et après ? Reykjavik. C'est où, Reykjavik ? En Islande. C'est à la mer ? À la mer, mais il fait froid. Allez plutôt en Antalya, c'est le vol d'après. Non, Reykjavik, c'est bien. Une personne ? Oui. Bon, l'aller-retour est à 2456 euros. Et juste l'aller ? Ça fait que l'aller-retour. Les pays comment ? Liquide. Tu regardes ta carte d'embarquement pour Reykjavik en buvant un cocktail Lady Blue. Et tu as envie de pleurer. Tu respires. Tu respires encore. Tu finis ton Lady Blue. Tu te lèves. Tu traverses le parking. Tu montes dans la voiture. Dakar. Tu entres dans le bureau du chef de projet. Tu t'assois sur un fauteuil en cuir qui se colle à ta peau. Il te sert un whisky et s'approche de toi. C'était pendant la formation de nuit. Qui a eu cette idée ? Le chef de plateau. C'est toi qui as passé les badges ? Oui. Tu les as passés avant le début de la formation ? Oui. Alors personne n'était à l'intérieur ? Si, pour la formation. Les badges disent quoi ? Ils sont partis à quelle heure ? 19h. Alors, à 21h, personne n'était à l'intérieur. Si, pour la formation. En théorie, personne n'était à l'intérieur. En théorie, non. Donc, ils sont entrés par effraction. Le chef de plateau est entré par effraction. Ils ont bidouillé l'alarme, et là, il y a eu un court-circuit. Ok ? Pas de formation, effraction. Ok. Tu avales une gorgée de whisky. Il te tape sur l'épaule et ouvre la porte. Les enquêteurs arrivent. Tu avales une gorgée de whisky. Première question, 19h. Deuxième question, personne. Troisième question, chef de plateau. Quatrième question, effraction. Cinquième question, alarme. Ils sortent, tu avales une gorgée de whisky, ils te tapent sur l'épaule et ferment la porte. Demain on reprend. Le plateau numéro 5 est intact, il a besoin d'un nouveau chef. Félicitations. Ils te tapent sur l'épaule et ouvrent la porte, tu avales une gorgée de whisky et tu sors. Shanghai. Tu t'assois, tu allumes une lampe de poche et tu commences à calligraphier. Dans le bruit des duchesses victoriennes, des geishas, des vampires, des mandarins, des pirates, des sorcières, des guerrières, des cow-boys, des pharaons, des dragons, qui dansent dans le carnaval, organisé par le département ressources humaines, pour atténuer les effets de la dernière vague de suicides dans l'entreprise. Tu as oublié Chan. Tu as oublié sa respiration sur ton cou. Tu as oublié son corps aspiré par la terre. Tu as oublié l'usage de mots. Tu as oublié de compter jusqu'à 10. Tu as oublié qu'il ne faut pas rompre la chaîne. Tu as oublié qu'on allait tous disparaître en particules. Car il s'agit de ça, apprendre l'oubli. Pulvérisé, d'Alexandra Badea. Un atelier fiction enregistré dans le cadre des Chantiers Nomades. Musique et création sonore, Christophe Hoquet. Avec Juliette Armanet, Jean-Baptiste Artigas, Clémentine Bernard, David Baudebol, Claire-Hélène Cahen, Marie-Béatrice Dardenne, Guillaume Douadi, Marie-Lou Démon, Pulkéry Gadmer, Christophe Hoquet, Martial Jacques, Aline Lebert, Marion Lubat, Xavier Machaud et Judith Morisseau. Prise de son, montage et mixage, Jean-Michel Coqui et Amandine Grevoz. Assistante à la réalisation, Chloé Mauduit. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Réalisation, Alexandra Badea et Alexandre Planck. Pulvérisé et publié chez L'Arche Éditeur. Demain soir, dans les ateliers de la nuit, c'est la rediffusion de l'atelier de création radiophonique Jour 54 par Pierre Jodlowski, réalisé avec Marguerite Gâteau et Patrick Lerissé, un opéra radiophonique à partir d'un texte inachevé de Georges Perec. En attendant, il sera bientôt minuit sur France Culture et dans un instant, vous retrouverez Alain Weinstein du jour au lendemain.